Oui, donc comme on est enfin on a toujours plein de choses à dire et là je voulais vous parler un petit peu des lycéens, lycéennes de D1 qui ont bravé l'interdiction de passer le bac en breton là. Et donc là j'ai un petit article du 22-06 donc sur le site bretagne-info.org, donc juste toujours pour rappeler. Qui est totalement différent d'un autre site qui s'appelle Brise Info. Hein. Donc je vais vous lire ça. Donc aujourd'hui, une quinzaine d'élèves du lycée Diwan de Carhaix ont passé une épreuve du bac en breton malgré l'interdiction. Après avoir fait tout leur cursus scolaire en langue bretonne, ils réclament dans un premier temps le droit de pouvoir passer l'épreuve de mathématiques du bac dans leur langue, comme c'est le cas en Euskadi. Depuis ce matin, en plus du stress du baccalauréat, une quinzaine d'élèves sont aussi dans l'inconnu concernant la correction de leur copie. Ils viennent en effet de passer l'épreuve de maths en breton, malgré l'interdiction. La désobéissance était en effet la dernière option pour ces lycéennes et lycéens du lycée Diwan à Carhaix. Le bac en breton réclamé depuis des années. Le comité Bac et Bréhonnec a été créé il y a 2 ans pour amplifier le mouvement qui se profilait depuis plusieurs années à l'approche du baccalauréat. Des élèves ont ainsi régulièrement tenté de dialoguer avec l'Académie et l'État français, mais la revendication du bac en breton leur a toujours été refusée. Seule l'épreuve d'histoire géo peut aujourd'hui se passer en breton. Alors même que le système D1 est l'apprentissage par immersion, c'est-à-dire tout en breton, des matières comme les mathématiques ou la philosophie ne peuvent être passées qu'en français au baccalauréat. Alors juste pour une précision, évidemment, les cours de français sont en français, mais voilà. Les élèves de D1 ont pourtant été formés dans ces matières essentiellement en langue bretonne. En 2017, le comité Bac et Bréhonnec lançait une pétition qui recueillait plus de 3 500 signatures. Un rassemblement avait également lieu dans les rues de Carhaix au mois de mai 2018. Mais le rectorat s'oppose toujours catégoriquement au bac en langue bretonne. Pourquoi est-ce possible au Pays Basque et pas en Bretagne? Les élèves du lycée D1 de Carhaix ne comprennent pas qu'on leur interdise de passer certaines épreuves en langue bretonne alors que leurs camarades basques peuvent le faire dans leur langue. Cette différence de traitement est complètement incohérente. C'est depuis 2012 que les élèves du cursus immersif basque semblable à D1, donc les ikastola, peuvent en effet passer l'épreuve de mathématiques en basque. Qu'est-ce qui empêche de faire la même chose en Bretagne? Les membres du comité Bac et Bréhonnec ont bien réfléchi avant de décider de passer l'épreuve des mathématiques en breton. Ils ont choisi cette matière, c'est justement parce qu'ils savent qu'il existe suffisamment de correcteurs pour s'occuper de leur copie. Techniquement, il n'y a donc aucun frein au bac en breton. Plutôt que de rester dans l'inaction et d'attendre un dialogue qui ne vient pas ou qui ne répond pas à leur juste demande, ils ont pris le risque de désobéir pour gagner ce droit. Mais ce risque passe aussi par une éventuelle note zéro, alors qu'ils ont des coefficients de 5 ou même de 8 pour certains, certaines. On ne change pas la société sans prendre des risques et sans désobéir à des lois injustes. Les élèves du lycée D1 l'ont bien compris. Nous avons maintenant toutes et tous la responsabilité de les soutenir dans leur démarche. Nous devons exiger immédiatement du rectorat que les copies des élèves du lycée D1 soient corrigées. Nous devons également exiger des syndicats d'enseignants et des élus locaux de s'engager concrètement pour les soutenir et pour régler la question du bac en breton pour l'année prochaine. Donc voilà. Du coup, cette affaire-là a fait des émules puisque il y a des collégiens qui ont choisi de passer le brevet en breton également. Donc voilà. Donc si vous, il y a pas mal d'infos sur ce sujet sur le site www.bretagne-info.org. Donc, qui est un site proche de la gauche indépendantiste bretonne. Voilà.